faux. Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stutters. La même à présente Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. それは各自に任せるとして、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 ラジオプルサ Bonsoir, bienvenue Audionautes, vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores, vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9 à Poitiers et ses alentours. Et vous nous écoutez aussi dans le reste du monde grâce au streaming live sur radio-pulsar.org. Bienvenue dans la 30e heure de Tokyo Mental, a.k.a. 5523 Berserker Glitch Mode. Je suis votre narrateur pour les 120 prochaines minutes, car ce soir, Tokyo Mental est une émission spéciale qui dure jusqu'à 23h. Deux heures pendant lesquelles vous et moi allons explorer les arcades mystérieux des genres break, core, art, core et speedcore au travers d'artistes japonais et coréens, des formes de musique techno, évolution des styles drum and bass, hardcore, qui ont vu le jour du côté occidental du monde et que les DJ producteurs d'Asie de l'Est se sont complètement réappropriés. Si la musique techno est encore capable de réussir une énième nu, c'est du côté de l'Est du continent asiatique qu'il nous faut regarder. Je vous propose de m'accompagner dans un voyage de 2 heures pendant lesquelles je vais mixer des trucs kawaii sur du gros son qui liquéfie des entrailles. Je vous préviens, le train ne s'arrêtera pas avant l'arrivée à destination, alors prenez vos précautions. Même si vous n'êtes pas prêt, montez le son, dansez, défoulez-vous. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Le voyage a déjà commencé. À dans 2 heures. Thank you. Unidos.

Thank you.

動いているから、いらないものはここにはないと返していく。ぼやけている景色も愛おしく感じるよ。体がさらに引き出すように重力の先を通った。今から見せたい輝きの旅、逆に役に立たなるもの。どこかに何かの街を歩いて感情の手をずっと駆け抜けた実際があって、 you couldn't trust him.

Oh! Tokyo. Nande yo! Mental. ラジオプルさん、 we'll be right back. ラジオプルサン。 東京 なんだよ。 メンタル 東京 なんだよ。 Bye. Bye. Documental prend fin dans un peu moins de 3 minutes maintenant. Si vous êtes resté jusque là, eh ben merci. Moi je suis crevé. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit et ainsi qu'une bonne semaine. Tapez sur des casseroles. I did not come just a puddle. On se retrouvera dans 15 jours, la semaine prochaine et la semaine suivante, ce sera une émission automatique. J'ai vraiment besoin de repos. D'ici là, portez-vous bien. Merci si vous avez été là. A plus.